100% rap français, planète rap. La Nocturne. Et c'est parti pour La Nocturne, 100% rap français. On attend demi-portion, mais demi-portion qui arrive de 7. Là, il est arrivé à 23h58, Gare de Lyon. Donc il va pas tarder dans un instant, le temps de passer 2-3 sons sur Skyrock, La Nocturne. Vos messages 41759 avec le hashtag Skyrock. On va aller faire un tour avant d'aller du côté de 7. On va aller dans le 60, dans l'Oise, où il se passe plein de choses en ce moment. Il y a Sienna. Sienna, vous connaissez si vous suivez un petit peu La Nocturne. Je vous passerai son nouveau son dans un instant. Et puis un autre artiste qui s'appelle Que Black, qui est signé sur le label Bomaye Music, le label de Youssoupha. On va débuter avec son morceau en intégralité. Le morceau, je crois, sort lundi. Il s'appelle Tout va bien. On va le passer. Allez, on va essayer de passer 2-3 fois dans La Nocturne 100% rap français. J'attends vos réactions. Que Black à découvrir maintenant dans La Nocturne. Passez une bonne soirée, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances et de pouvoir veiller tard pour La Nocturne. Planète rap 100% explicit lyrics. Je sors de ma bulle, je crois que c'est l'heure. Tout va bien, alhamdoulilah. Certains m'ont déçu, d'autres m'ont blessé, mais je vais bien, alhamdoulilah. Je pousse au soleil comme une fleur de lilas. J'ai perdu des proches, donc un alili. Tapé sous le coussin, car moi je vais m'en tirer. Si toi t'hésites, pas moi je tirerai. Maintenant c'est fini, faut qu'on en finisse. On a fait du mal de ces 15 jours, poteau, on sera puni. Le mal nous guette, pourquoi tu rouges bête? On veut te reposer pépère, avec le poisson pis de pépère. Je suis pas un ange, mais tu kiffes mon sourire d'enfer. Tu n'es pas une déesse, mais maman chérie, ton cœur, je veux le faire quoya. Moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je fais bien. On se tue pour des pétasses, on meurt pour des pesos. Tu seul à bord de mon vaisseau, c'est tout à fait normal que je chasse en pétard. Moi je fais bien, moi je fais bien, moi je fais bien, moi je fais bien. D'autres nous trahissent, par la suite devient des païens. Des corps d'enfants cachés dans la paille. Voilà pourquoi dans ma tête c'est la pagaille. Pas camarade, pas accueilli. Paradis où il fait l'eau. C'est ça qui me rend fêlé. Tu veux me faire du mal, vas-y fêlé. Je vais bien, il attend que je pourrisse. Je vais bien, il attend que je périsse. Je vais bien, je veux prendre des risques. Je vais bien, sur ma peur je les prise. A chaque fois je rebondis. Fini l'époque et des bandits. Papa, maman, grande sœur, allez leur dire que j'ai grandi. La haine, ça j'ai connu. La misère, ça j'ai connu. Les frères au hut, ça j'ai connu. La misère, ça j'ai connu. Je sors de ma bulle, je crois que c'est l'heure. Tout va bien, alhamdoulilah. Certains m'ont déçu, d'autres m'ont blessé, mais je vais bien, alhamdoulilah. Moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien. Pour cent rap français. Je savais à comment tenir en plus de ça. Ah. Ce qui paraît, le meilleur reste à venir, yo moi. Je savais à comment tenir en plus de ça. Ah. Ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Oh, deux pieds dans le rabais, un œil sur la concu. J'ai fait tout ce que j'avais à faire et eux ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein, frère tu racontes n'importe quoi, j'écoute parce que tu prédis. Yo, je dois jamais rien à personne, c'est pour ça que j'ai jamais de crédit. Trop trop trop trop d'gens faux, on me dit Sienna ça y est faut que t'avances toute seule. Je fais genre je m'en fous mais au fond je sais que ces gens me portent tous l'œil. Bien de chez nous on te passe le salem, debout jusqu'à ce que le soleil se lève. Reste pas trop près.

Ceux qui partent ne reviennent pas, constant beaucoup. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien, on s'en met de mon tour. Le combat continue, joue fragile mon tout. Avec mes 7 boucles de freestyle, tu sens tout court. Tiens, v'là une nouvelle histoire, apprécie cette galette. J'ai encore plein de pouvoir que ma planète, n'a mec. À ceux qui arrivent en paquet jusqu'au Québec. Autant de clips que de films dans une vidéothèque. Vu qu'on veut s'en sortir avec ou sans chèque. Aucune crainte, dernouche, on est dans le désert. Et s'il y a trop de grains de bouche, c'est qu'il y a trop de chèquem. Vu que j'ai plusieurs langues, la maradine peut-elle. Rélez les micros que t'aimes, radis trop je peux t'aimes. Anna Bouhadi, fais les scouts, ou khalini n'kemmel. Rap, rap, on run gold filsken. Un dialecte, rien de plus, le kobo d'un teken. Car on a plusieurs branches avec des feuilles spéciales. En toute saison, ça passe, repousse les bons pétales. Bref, c'est Dragon Rage Ball, t'as reconnu le tapion. Demi-débit, phénoménal, hein, sans fusion. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien, on s'en met de nos tours. Le combat continue, joue fragile mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas, comme Sangoku. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien, on s'en met de nos tours. 34. Le combat continue, joue fragile mon tour. Avec mes 7 boucles de freestyle, tu sens tout court. Un lyric, ceci bordure, comment ça tape sa mère. On a capelle ou on kick, ou sinon tape des mains. Comment l'envie se mélange? Est-ce que le biz m'appelle? Juste un album peinard sous une ambiance Wu-Tang. Non, je fais quoi ce matin? J'entends rien de personne, car ils sont plusieurs à buter seulement pour 100 pesos. La plupart sont occupés derrière leur vie de mensonge. Pour avoir des vrais amis, fallait que je goûte mes sauces. Oui, la France pète un plan et s'invite en battle. Soit tu les suis, soit tu les regardes en tant que spectateur. Et les joue qu'avec la peur, donc je fais quoi ma gueule? On se met bien quand on se parle du premier Alcatel. La rage des nécessaires, entraînement des BZ. Tu penses meul qui passe à couille, on est resté zen. Vas-y, zoom, c'est bip bip, demi et puis c'est tout. On donne ça tranquille avant que tout s'écroule. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien, on s'en met de nos tours. Le combat continue, joue fragile mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas, comme tant de coups. Oui, j'avoue c'est dans les bacs. En repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien, on s'en met de nos tours. Yeah, demi-portion. Avec mes 7 boucles de freestyle, tu sens tout court. Ça s'arrête pas, on veut se percher autre part. Si on a la côte, dis-moi, c'est qu'on se rapproche de trop pas. Dédié à la Côte d'Ivoire et les pays qui font le poids. On se met en place petit à petit, il faut le croire. Si les PDG montent grave, c'est qu'on se tue au boulot. Juste un milieu de requins où tout le monde travaille sous l'eau. Et si tu rames ces bonos, ça n'usera pas leur moteur. Donc on remonte les manches sans la paye de Steve Urkel. Bibi, tu voulais du sang, je vais te servir frérot. Demi-portion. Oui, j'avoue que l'on n'a pas en poussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, joue fragile mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas, comme ça me coucou. Oui, j'avoue que l'on n'a pas en poussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, joue fragile mon tour. Avec mes 7 boucles de freestyle, je sens tout court. Oui, j'avoue que l'on avance. À part la vie, on n'a rien. Arrête de le combat continue. Le combat continue. Tu crois que je sais quelque chose des difficultés que tu as rencontrées dans la vie? Est-ce qu'on trouve les bonnes réponses? De ce que tu ressens, de ce que tu es. Sprinter. Est-ce qu'un rappeur est une perle rare? Est-ce qu'on nous tire vers le bas? Est-ce qu'on a fait le premier pas? Est-ce que mes questions vous parlent? Est-ce qu'on va tomber en panne? Est-ce qu'on va tracer autre part? Est-ce qu'on peut causer au calme? Est-ce qu'on peut lâcher l'otage? Est-ce qu'on peut mâcher les mots? Est-ce qu'à deux on est plus fort? Est-ce qu'on rappe pour les minots? Est-ce que le feu brûle encore? Est-ce que nos cœurs sont en pierre? Est-ce qu'on respire en plein air? Est-ce que la route est si claire? Est-ce qu'à Beyrouth ça va mieux? Est-ce qu'on mérite la galère? Est-ce qu'on la recherche en vrai? Est-ce qu'on comprend la grammaire? Est-ce qu'on détourne l'alphabet? Est-ce que tu manques quand tu rappes? Est-ce que tu fais du théâtre? Est-ce que tu aimes la cuisine, est-ce que t'as vu Breaking Bad? Est-ce qu'on partage avec toi? Est-ce qu'on peut crier victoire? Est-ce qu'on touchera les étoiles? Est-ce que tu rêves d'après toi? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que t'as peur du diable? Est-ce que tu donnes un peu? Est-ce que t'es sain à table? Est-ce que les gens sont malades? Ouais. Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Est-ce que les gens sont fidèles? Est-ce qu'on va tirer le rideau? Est-ce qu'on doit finir par balle? Est-ce qu'on doit punir l'État? Est-ce qu'on va trouver du taf? Est-ce qu'on va trouver non. du taf? Est-ce qu'on doit tourner la page? Est-ce que t'as ouvert un livre? Est-ce que tu tiens ta parole? Ou est-ce que c'est du playback? Est-ce que frapper ça vaut le coup? Est-ce qu'on doit sauter son tour? Est-ce qu'il y a de l'argent partout? Est-ce qu'il y a la crise à Moscou? Oh. Ouais, ouais. Dragon arrache. Bip bip. Écoute ça. Est-ce qu'il fait fait chaud au mitard. Est-ce qu'il vit bien à Bidal? Est-ce qu'on s'est levé trop tard? Est-ce que tu rêves d'autre part? Est-ce un cauchemar au final? Est-ce qu'on est encore debout? Est-ce qu'on doit fermer les yeux? Est-ce que t'es honnête dans le doute? Est-ce que tu es ton prochain? Est-ce bien de faire de la chanson? Est-ce qu'on aura tout ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on a tort ou raison? Est-ce que partout y a des bêtes? Est-ce qu'on fait partie des pitres? Est-ce que partout y a des fenêtres? Ont-ils nettoyé les vitres? Est-ce qu'on est bien dans le décor? Est-ce qu'on sort tous des beaux arts? Est-ce qu'on doit changer le globe? Est-ce qu'on entaille un bonsaï? Est-ce que t'élèves une famille? Est-ce que tu te sens responsable? Est-ce qu'on a peur de sa gamine? Est-ce qu'on va te sauver dans le rap? Est-ce qu'on en veut à ton manx? Est-ce qu'on va sauver Ryan? Est-ce que t'es bien dans le luxe? Est-ce que t'es bien quand tu dors? Est-ce que la thune n'y en a plus? Est-ce que t'es mieux que les autres? Est-ce que t'as plusieurs idoles? Est-ce que ton papa t'ignore? Est-ce qu'on s'accroche à l'école? Est-ce qu'on apprend chez les profs? Est-ce qu'on a joué fair play? Est-ce qu'on s'arrête quand y a faute? Est-ce qu'on a vraiment merdé? Est-ce que ça pue dans le monde? Est-ce que tu t'es demandé? Est-ce qu'on court après la montre? Est-ce que tu te sens inargué? Est-ce qu'on se bat pour répondre? Est-ce qu'ils connaissent les secrets? Est-ce qu'ils protègent nos épaules? Est-ce qu'ils connaissent la notice? Est-ce qu'on y est pour quelque chose? Est-ce que je devais vous le dire? Autant de questions sans réponse. Est-ce que... Rachid. Est-ce que... Autant de questions sans réponse. 7. Pour tout le pays. Ouais, ça fait du bien d'écrire. Ça fait du bien d'écrire. Ouais. Interrogation. Didier Rolex. Dragon Arrache. 7. Bibi par la prod. Ouais, ouais, Montpellier. Yes. Beaucoup sont dans mon cas, mais ne le revendiquent pas trop. Planète. La nocturne. Quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé responsable. Non, moi, qui donc j'ai des gars. 2F, Villeneuve. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Depuis l'époque, tu sais qu'on est parti de rien. La même école, oui, nous sommes tous partis de rien. On est nombreux, y'a du monde qui sont partis de rien. Sans oublier que chaque sombre est venu de loin. Depuis l'époque, tu sais qu'on est parti de rien. La même école, oui, nous sommes tous partis de rien. On est nombreux, y'a du monde qui sont partis de rien. Sans oublier que chaque sombre est venu de loin. Parce qu'on est fort et qu'on se porte pour le maintien. Quand pas les morts, on va partir, c'est certain. Malgré les portes fermées, fallait casser la serrure. J'ai vu des potes enfermés ou s'endormir dans la rue. J'ai vu l'alcool bousiller toute une famille entière. Non, non, je fais pas de rap, je pense dans l'humanitaire. On parle à tous qui se perdent, sans même crier à l'aide. Cousin, c'est ça le mélange, c'est pour Loïc ou Mohamed. Nouveau lyrics aux manettes, on a les clés des menottes. Mon rap parle à tout le monde, tu sais que plus rien nous arrête. Parce qu'on est parti de rien, et vu les moyens du bord, j'ai conservé mes marins dans un vrai bateau hip-hop. Encore un classique pour nous, fidèles et poétiques. À force de nous mettre à genoux, on assure mieux qu'un génie. À force de nous mettre à bout, on a recollé les fils. On ne peut pas plaire à tout le monde, même pour les plus jolis. Depuis l'époque, tu sais qu'on est parti de rien. La même école, oui, nous sommes tous partis de rien. On est nombreux, y'a du monde qui sont partis de rien. Sans oublier que chaque sang est venu de loin. Depuis l'époque, tu sais qu'on est parti de rien. La même école, oui, nous sommes tous partis de rien. On est nombreux, y'a du monde qui sont partis de rien. Sans oublier que chaque sang est venu de loin. Et oui, les petits m'écoutent, j'ai voulu rester poli. Mais bon, ça pollue des fois comme du côté police. Les dossiers de la justice, où les personnes qui te jugent. Y'a pas de justice, pas de paix, parce qu'on y voit rien de juste. Oui, on demande rien de plus, quand tu sais pas, parle pas. J'ai attendu, rien n'a changé depuis l'époque d'Amstrad. Tu sors en ville comme par hasard, y'a aucune belle parade. Et le théâtre de chez moi n'invite que Pierre Palmade. Je te parle pas de balade, non, on n'y arrive même pas là. Mais bon, t'avances, c'est pas grave, même sur une peau de banane. Mais bon, je change, je te canale, les mêmes infos partout. Consomme, même le kebab n'a plus le goût d'Istanbul. Beaucoup d'arnaques dans le coup, même si tu lâches ta pièce. Et quand ça pue, c'est les riches qui s'exilent en grosse caisse. Mais bon, y'a pas de problème, on apprend à plus plaindre. Et pour le reste, je vais placer le refrain sans suspense. Depuis l'époque, tu sais qu'on est parti de rien. La même école, oui, nous sommes tous partis de rien. On est nombreux, y'a du monde qui sont partis de rien. Sans oublier que chaque sang est venu de loin. Depuis l'époque, tu sais qu'on est parti de rien. La même école, oui, nous sommes tous partis de rien. On est nombreux, y'a du monde qui sont partis de rien. Sans oublier que chaque sang est venu de loin. Yeah. Dragon Arraché dans les bacs. Merci à ceux qui soutiennent. De lourdes épreuves aussi grandes. En direct sur Skyrock. Aïe aïe aïe aïe aïe. Permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Père frappe ou frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur. L'important c'est de se faire cogner. Et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir en baisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Beaucoup sont dans, beaucoup sont dans, beaucoup sont dans, beaucoup sont dans. C'est la Nocturne avec Demi-Portion. Et là, c'est un extrait de l'album hein, qui est dans les bacs. Exactement. Partie de rien, c'est ce qu'on écoutait. Partie de rien, on a fait un petit clip aussi. Bon, tout va bien pour toi ? Tranquille. Dragon Rush, ça se passe bien pour Dragon Rush, non ? Ben ça va, ça a l'air de... L'accueil est bon, je vois les messages, allez-y, hein, balancez avec le hashtag Skyrock, ça arrive dans le studio, 41759. Ça fait plaisir. Tout va bien. Ouais. On va saluer l'équipe qui est avec toi, Dragon Rush, j'allais dire. Exactement, avec mes Super Saiyan, donc ouais, il y a mon Otof. Avec moi, il y a Medizik qui est toujours, toujours là. Il y a Alban de Marseille. Et il y a un mec à ta gauche, à ta droite, pardon. Il y a un gars à ma droite qui s'appelle Moncles, la Secret Connection, qui est là. Ça va ou quoi? Ça va, Moncles, en forme? Ouais, pépère, on est. Eh ben, écoute, bienvenue dans cette nocturne de Demi-Portion. C'est lui qui a pris le contrôle ce soir. Ouais, bah, on sort d'une semaine dans le sud, là. Et d'atelier avec les gars du sud, avec un 2-7, avec un vrai échange, quoi. C'était mortel. Donc, là, on vient quand même finir en beauté, on va dire. Eh ben, écoute, ce soir, on est bien. C'est le son de Demi-Portion. Tu feras quoi ce soir? Il y a un petit live de prévu ou pas? Demi-Portion ou on va passer des morceaux comme tu veux. Hein. Ouais, on balance un peu de titre, pourquoi pas. Comme tu veux. Freestyle, c'est toi qui prends le contrôle. Si, avec plaisir. Allez, on est reparti pour une session. Qu'est-ce qu'on met des extraits on va mettre un petit peu des featuring. Donc ah bah, voilà. Très bien, ouais. On va balancer un petit son qui s'appelle Loin de toi, dédicacé à Blata. Et voilà. Allez, c'est parti. Demi-Portion. Rolex au platine. Débite, phénoménal, transformation de l'animal. Laisse deux minutes, polyvalent, poly d'abord, demi-galant. On le gala, on les dégâts, écarte les gars, descend de l'étage. Mettez les gants et virez les tasses, mettez du son et ouvrez la cage. T'as tué qui? Personne, je me téléguide, seul garçon. Petit bonhomme, vu le blason, chaque recette est fait maison. Aucune raison, un raison, d'accord, et un sandwich. En bas de la fiche, en bas de la fosse, on fait que du rap et on s'en fiche. On veut partir, mais tu le sais qu'on nous parle souvent de moyens. Restez ici, mais pourquoi pas, disons que t'as vu, ça mène à rien, demain c'est loin. Vu qu'on m'a dit, tu verras, ça ira mieux. Ne t'en fais pas, si je reste c'est pour éviter les adieux. Loin de vous, mais c'est pas grave, je serai pas comment l'expliquer. Oui, chaque jour j'en bave, sûrement que ça m'a éduqué. Je voulais juste voyager, voir comment vivaient les autres. Mais j'ai compris que l'imbécile était caché souvent chez l'homme. C'est ce qu'on recommande, uniquement du son lourd. Même une texte en avant, une instru qui rend fou. Rap avec ou sans dessous, non, dis pas que ça te saoule. Un plaisir avant tout et un public qui m'entoure. On veut des concerts partout, un micro par contre. À tous ceux qui se déplacent et à tous ceux qu'on rencontre. Obligé qu'on envoie sans se salir au sens propre. Sans détourner les lois ni les valeurs du hip-hop. Obligé qu'on s'y colle, qu'une personne s'y retrouve. Ils veulent pas de nos clips mais des bâtards à Cancun. Donc à qui le prochain tour, c'est qui le prochain plus. Que les produits du marché deviennent si périmés dans le souk. On ne veut plus de vos surfaces, on est si bien en dessous. Écrire avec rage et des projets en zoom zoom. Regarde le petit qui passe à la calvitie. A tous mes rythmes qui n'ont pas grandi chez Picsou. Si je chante pour vous. Oui je chante pour nous. Je chante pour vous. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Plata, Dragon Rush, Dragon Rush, DJ Rolex, aïe aïe aïe, Demi-Portion, c'est dans les bacs, vas-y chante. Yeah. Mandico Remix Clan. Demi-portion. Deux MC. Mandico Remix Clan. Big up. This is Raketo. Bibi Palaprot. Montclair. Coma. Volteface. Et encore. Chacun sa définition. C'est décidé qui est le plus gros kicker. J'essaie de traduire le Coran car c'est le dico du cœur. Et dans le dico de l'homme, je n'aime qu'authentique. L'instru est bon, c'est demi-portion donc autant kicker. Indépendant, tout comme ces valeurs qu'on exerce. C'est mon dico remix clan, sans gros mot ni politesse. La patience nous rattrape vite au fil du temps. Car on est tous des figurines dans un grand monde de figurants. La tèche, elle est bien là mais pas dans le bécherel. Frère, c'est la sécheresse si tu parles en wesh-ray. Elle n'a pas d'estime, mais elle s'en bat les steaks dans sa tête. C'est pas les steaks, c'est la Palestine. Le souffle, respirer dehors me rend ouf. Mais on a gardé le sourire depuis l'époque d'Abdallah Ouf. La famille, mais bien sûr ça n'a pas de prix. Ça se pense, se construit, parfois par malheur se détruit. R.A.P. Beaucoup trop pisse à l'heure actuelle. Rêve de gros bif et de groupies, beaucoup trop lisse, peur de déraper. Les caricatures pourraient te faire croire que je suis un caïd mature. Que je tiens les commandes et puis collant de n'est pas une raclure. L'écriture est devenue la richesse du pauvre. Ça part de liberté à chaque mot clé, les portes s'ouvrent. Réfléchir devrait nourrir toutes nos phrases. Un rappeur un peu trop vague, c'est une âme qui fait naufrage. À l'ancienne, comme l'affaire Rouen Valenciennes. Un bonhomme, un foulard, tout le monde reconnaît l'enseigne. En secret, parce qu'on fait des connexions. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Le réveil, je le regarde à chaque fois qu'il sonne. Aujourd'hui c'est la crise, mais tout le monde possède le iPhone. Je peux t'annoncer qu'ils ont tous renoncé. En vérité le rap est devenu le système qui dénonçait. Information, combien sont persuadés que c'est ça. Quand les trois quarts ont la télé comme principal accessoire. Égarement, visiblement il est partout. Bien, malheureusement nos agissements ne sont pas tous. Liberté, ils ont tout fait pour qu'on se tue. Y'a personne pour la paix et trop de monde devant leur statue. La victoire, elle n'est pas facile à atteindre. Qu'importe la stratégie, faudra sacrifier les chiens. Le mot mortalité, celui qui est devenu banalité. Simple formalité ou contraire de natalité. Le mot moralité laisse place à la voracité. Ma seule capacité, la luxure et la vanité. Business, on s'accroche, on y arrive. À défaut d'avoir du bif, j'ai déjà ta meuf dans la poche. L'amour, se remplace par une envie de sexe. Toujours une relation se résume à une chatte ou un Kleenex. Ok, musico s'ouvre, illico sur la lettre S. Un snipe, vise le cœur et la tête pour être bref. Bref, parfait, je tourne les pages au pif, bim, lettre vive. Venimeux comme Mazik, comme Rachid, je reste la race. Parfois bizarre en y repensant, certains sont si pauvres que tout ce qu'ils ont c'est de l'argent. En dictionnaire, et chacun sa définition. On vole pas et pourtant nos textes font le mur du son. Mandico Remix Clan. This is Rimet, Mehdi, Monclès, Coma, Aketo, Tayeb, Swiftgad, Olisico, Sprinter, Volteface, REDK. Après petit Robert et la rousse, ajoute Rachid le petit rebeu. Rolex, ça dit quoi? Une chaise pour deux. Big up à Oxmo Pochino. Merci aux invités. Et bonne écoute. L'enfant seul, je sais que c'est toi. Les bestes au sexe. Yeah, c'est encore nous. Nous. Puccino et demi portion. Yeah. Bon. J'étais venu m'asseoir car avec la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux. J'étais venu m'asseoir car avec la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux. J'étais venu m'asseoir, oui, y a de la place pour tous. Qu'est-ce qu'elle fait toute seule devant son gros couscous? Est-ce ainsi que se dessine la vie? Craindre de perdre sa place dans un cinéma vide? Unique, donc chacun son rôle. Cause du bordel, celui qui a tout l'or veut le bronze des autres. Je veux qu'on m'épaule, pas qu'on me traîne, ni être fait abonné. Car une aide peut finir en cadeau à part donné. Un fauteuil pour deux, c'est mieux que 5 pour 10. Je serai le premier levé, donc c'est same to me. Mes textes, formules, 2000 potions à ta santé. On croise la rime avec 2000. demi-portion. J'étais venu m'asseoir car de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux. J'étais venu m'asseoir car de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ouais. une chaise pour deux. Il fallait qu'on partage ce tir, un peu comme nos meilleurs plats. Un honneur d'avoir Oxmo, qu'on me donnait la force aux petits gars. Une chaise pour deux, rassis-toi, le voyage risque d'être long. Fais comme chez toi, je te rassure, y'a tout ce qu'il faut dans le salon. J'ai commencé par passion, sans vouloir prendre l'ascenseur. Apprendre mes leçons chaque soir, un peu comme un enfant seul. Mes rimes sont mes défenseurs, mon stylo mon professeur. Si aujourd'hui on s'en sort, c'est peut-être grâce aux prédécesseurs. Demi-portion, c'est mon place, t'as vu, c'est déjà partagé. Donner, toujours donner, c'est un peu ce qu'on a envisagé. Copier, toujours coller, ça bug toujours à ce qui paraît. Moi j'ai préféré durer que prendre le mauvais train sans arrêt. J'étais venu m'asseoir car de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux. J'étais venu m'asseoir car de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux. Les applaudissements sont nos instruments. Donner sans retour, sinon les années punissent injustement. Ici c'est donnant, donnant. Dis au radin qu'on se la donne et comment. Aujourd'hui offrir de son temps, c'est prendre commande. On est de connivence pour la France dans son excellence. On perd sa place, rien de grave. Sache-le. On attend le prochain tour, intermittent du spectacle. Non, artisan pour toujours. Pareil que mon son parle aux sourds. Et toute une génération, regarde ses yeux. Ça sera meilleur qu'une conversation, un sofa pour deux. Dis-moi, tu connais le proverbe. Une petite maison en ruine vaut mieux qu'un palais en cours. J'étais venu m'asseoir car de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux. J'étais venu m'asseoir car de la place pour tous. On s'en sortira avec ou sans coup de pouce. En y mettant du cœur, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec une chaise pour deux. Je sais pas toi, tu sais rien. J'étais venu m'asseoir, toi, debout, tire-toi. Prends l'avion, après la diligence, s'il te plaît. Laisse-nous tranquille entre poteaux, parce que nous on est des poteaux. Et que les poteaux comme ça c'est trop rare mon pote. Tu mets tes poteaux à nous, mais toi t'es le poteau de personne. Alors fuck you man. Oxmo. C'est la nocturne avec demi-portion et Oxmo. Ouais. Qu'on retrouve sur l'album. Exactement. Bon alors les connexions, parle-nous un peu des... parce qu'on a écouté aussi un morceau, il y avait évidemment This Is, il y avait Mokles qu'on a écouté auparavant. Ouais, c'était un morceau, en fait je voulais faire un rassemblement. Et voilà, pour changer le truc, j'avais déjà fait un concept de Mondico. Et je les ai invités sur, sur mon dictionnaire. Du coup ils ont tous fait 4 mesures dans le délire. Et voilà, on les retrouve à Keto, Votre Face, La Secret Connexion, This Is, REDK et Swift God. On est 12. Et ensuite, comme invité, il y a Oxmo Poutino pour moi qui est le grand morceau de l'album. Et voilà, c'est un honneur de l'avoir pour un petit artiste comme moi. Ton petit artiste. Oxmo Poutino. Tout se passe bien quand même pour toi, demi-portion. Est-ce qu'il y a des concerts annoncés? Est-ce qu'on peut te retrouver un peu Sur ma page, demi-portion, on a balancé pas mal de dates. Mais ouais, on a à peu près une tournée de 3-4 mois. Et on enchaîne pas mal les dates. Parfait. On en a une le 26 février à la Bellevilloise. 26 février à Paris, Bellevilloise. Exactement, donc voilà, c'est sur celle-là qu'on se base le plus. Et ce soir, la nocturne, avec toi, au contrôle, on est reparti pour une session? Avec plaisir. Allez, coup d'envoi. Vas-y, Rolex, on envoie la suite. Passaï Tagmaoui, jusqu'ici tout va bien. Sous le soleil ou sous la pluie, on reste sans problème. Pour s'endormir à bouton, on peut compter que sur lui-même. Quand David se casselle, jusqu'ici tout va bien. Pourquoi on ressent de la haine alors qu'on voulait Chanel? Sous le soleil ou sous la pluie, on reste sans problème. Pour s'endormir à bouton, on peut compter que sur lui-même. Quand David

demi-parrain. On voulait faire ça. Ah, ça fait plaisir. Changer ça, tranquille. Mais c'est pas fini encore, on va continuer un petit peu, non? Ouais, carrément, avec plaisir. Attends, il y a une heure du mat, une grosse demi-heure encore avec toi. Carrément. On rappelle que l'album, par exemple, s'il y a des gens qui kiffent demi-portion, comment on fait pour l'avoir? Ben, il est dans toutes les Fnac. Il est distribué par Musicast, donc il est dans, à peu près dans toutes les Fnac. Mais on peut cliquer aussi si on veut l'avoir. Et on peut aussi l'avoir sur iTunes, exactement. Il est aussi à la Secret Boutique, hein, au 80 rue Marcadet. Et il est aussi à la Secret Boutique, exactement, disponible. Bien joué, Mokless. En toute discrétion. En Secret. Jamais dans la tendance, mais. Toujours en direction. Toujours dans la bonne. Donc ben, voilà. Voilà, le nouvel album, voilà, il est un peu dispo partout. Aussi en Suisse, en Belgique et dans toute la France. Et voilà. Et ben, allez faire un tour, allez cliquer, envoyez vos messages à demi-portion aussi. Il y a la cassette aussi. Ah, cassette, cassette. Ouais, ouais, ouais. Sans cassette. Voilà, par contre, il est. Et il y aura aussi le vinyle qui sera disponible dans les bacs aussi. Ça s'appelle Dragon Rush Dragon avec demi-portion Rush. Au contrôle de la nocturne. On continue ou pas? Avec on plaisir, arrête on continue toujours. On continue. Allez. Avec DJ Rolex. DJ Rolex au platine, c'est reparti pour une nouvelle session de 3 morceaux minimum. Demi-portion et vos messages 41759 avec le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Demi-portion, Mokless est là aussi. Yeah, yeah, yeah, toujours. Et Mokless. On repart sur quoi alors? Bon, on va partir sur un son qui s'appelle Peur, sur une prod à DJ Rolex. C'est parti. Toujours sur l'album. Ouais, écoute. Ça y est, j'ai peur et je voulais te le dire. Wow. Regarde, fatigué, tout comme nos yeux s'alourdissent. Mmh. Peur, mal au ventre, je sais que tu le ressens. Donc j'écris pour ceux qui partent ainsi que pour ceux qui patientent. Malade? Non, on essaie de rester conscient. Nos vies ne sont pas des films, même si on se rapproche d'Odjar. Peur du prophète, j'en ferai pas un titre. Non. La religion c'est dans le cœur, pas dans un clip vide. On s'empare de la lead, à toute heure enregistre. Ouais. Envoie-moi une demi-portion, on te niquera Astérix. Atterris, atterrisque, et même si t'y vas franco. Ils ont encore la mentalité du scénario Django. En attendant, tiens le coup. Tâche de gérer ta colère. J'apprends à leur faire mal avec un dictionnaire. Avec une clope au bec, notre corps est pour lui un mec. À se prendre la tête pour écrire devant le bouton rec. Au cinéma avec des acteurs qui déconnent. Ils gèrent le blé en nourrissant les pop-corn. D'accord, prends le ticket, je t'invite à capter le texte. Y'a pas de victoire, alors admire ce qui reste d'une coupe pleine. Un deck, tout part avec, y'a personne qui revient. Y'a rien de lourd, c'est de la merde, alors tu crois que c'est le zienne. J'ai peur, mais dans le délire, je pense que tout vient de toi. Même si on est cool, au fond de nous, on a tous un peu de végéta. J'ai peur et j'ai le droit, toute manière ça m'occupe. De toute façon, la bonne frappe reste en portée du sud. En tout cas, rester lucide, même si j'ai grandi en zup. Savoir calculer son truc et sans passer par ma sup. Sans passer par l'insulte, c'est tout ce qu'il y a de facile. On se fait petit, c'est les principes de Rachid. J'ai peur de l'avenir, de ce présent, du passé. À tous qui s'amusent avec nous, surtout chez nous placés. J'ai peur de laisser passer. Chaque jour est unique. On veut faire son trou comme Francky ou Bayern de Munich. Je déborde, je triple en attendant l'ouverture. On fait la fête, on se contente dès qu'il y a match nul. J'ai peur. Il y a pire ailleurs. On espère changer le décor, mais nous ne sommes pas designers. Ça sert à quoi? Je vous l'avais dit que le monde est en souk. Tu refuses l'exploitation, t'es content d'un Samsung. La télé nous rend sourd, des émissions qui me saoulent. Tous plein de cesse, trop de speed, normal quand y a trop de sous. J'ai peur que nous brise tous et que nous délaisse lentement. Tellement sombre qu'on pourrait se transformer en Batman. On bat de l'aile, pas grave, je voulais te sauver, bonhomme. Les gens sortent plus, pensent tout connaître via Google Chrome. Chacun son goût, comme sa maîtrise de manier les mots. Et qu'on s'appuie, avance un peu comme chez Marionneau. On teste un échantillon, vu que tu n'es qu'un produit. La poche pleine court vite, un kangourou d'Australie. Peur que tu tombes à pic avant de le rapper ensuite. Un jeune debout ne verra jamais mieux qu'un vieux assis. Mais me retourne pour la question, chacun ses idées mec. Chacun ses convictions mais sans savoir où les mettre. Peur qu'on soit tous raides, y'a pas de rap hardcore. Même ceux qui vivent dehors prennent le soin d'être propres. L'habit ne fait pas le moine et la parole plus l'homme. Derrière une marionnette se trouve un ventriloque. Trouve un tas de pilotes qui défendent toute leur caisse. Je vois ton parcours fichu entre parenthèses. Peur de la vitesse mais vu que tout passe trop vite. Et la jeunesse d'aujourd'hui te dire à quel profite. Peur que l'on se faufile et qu'on perd tous le rythme. Toujours en garde dans le smile juste avant de mourir. J'ai peur et j'ai sûrement tué le stylo. Un peu de chaleur ne tuera point une famille d'esquimaux. J'ai peur et j'ai sûrement tué le stylo. Un peu de chaleur ne tuera point une famille d'esquimaux. Demi-portion Rachid. J'ai peur. Rolex. Sprinter. Babylon doesn't fuck good anyway. vois que tout le monde se presse. Le manque d'initiative, des sueurs en plein sommeil. Vouloir viser le sommet, mais sans qu'il y ait de soleil. Difficile de raisonner, de parler aux citoyens. Quand Babylone t'emmène nulle part si tu as rien. Enlève le point quand même, la force nous l'enseigne. Comme Babylone, pas de l'aide, on est loin d'une mise en scène. La rage manifeste, la haine nous laisse les restes. Déshumaniser, une fierté pour ceux qui règnent. Ouvre les yeux, lève la tête, écoute et prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi, y'a trop de belles choses à voir. Et ma foi, j'envoie encore un message en paix. Parfois, j'angoisse, donc on se met à chanter. Babylone, oh yo, de Babylone. Ça va bien, ça va cool. T'as vu là, je prépare ma sarbacane. Car ça parle, vu ma voix, oui, va voir, oui, je rappe. Le cachet dépasse, me 800 balles. Vu d'en bas, vite en balle, rime à revendre. Mets ta flamme, oui, je plane. Ça plante, rien à battre, impeccable. Y'a la barre des constats, y'a du sang, je m'installe pendant que toi. Tu dis quoi, je fais ci, je fais ça, je t'apprécie. Tu comprends, t'es content, je t'accompagne. N'y compte pas, vite qu'on se part, on se part, on se part de Babylone. On se barre de Babylone. I share my words, I share my mind with the people all around. There's some of you in every rhyme. There's some truth in every lie. What grows up must come down. Waiting for the day that can we give up on the crown. Try hard and take it easy while they running on and on and on. A tu re rasta man. Ay, ay, ay. L'album est dans les bacs. Dragon Rush, Didier Rolex. Vas-y des parois, on est chaud, envoie-moi une pour une punchline. La première sera gratuite, histoire bien rentrée dans le time. D'accord, rime en détail, réfléchir entre mes lignes. Je t'envoie de quoi bouffer, en te souhaitant bon appétit. Toujours propre comme en jeûnant, toutes les soirées entre potes. Je vois que t'es mal à l'intérieur, mais je suis pas anthropologue. Juste artiste et j'enveloppe ceux qui sont partis à mort. Le dernier descend en casque n'est pas sorti d'une flash mob. Qu'est-ce ta chute, laisse déposer le best-of. Portion de frites, yes, avec une instru de Kefta. Désolé, on se lève tard, le menu d'une sale recette. Donne-moi un big cousin, et je te referai le master chef. Un plateau de mon HLM, un voyage en ULM. Avec l'impression de planer, mais sans devoir toucher à l'herbe. Sans Gucci ni Chanel, de 7 jusqu'en Belgique. On me casse du sucre sur le dos, dédié à tous mes diabétiques. Une vie éclectique, obligé de s'y faire vite. Nos textes n'ont rien de sorcier, d'une magie d'alchimiste. Juste un beat d'alchimiste, du sang pour mes enfoirés. Donc merci aux beatmakers qui me donnent envie de logorer. On aime ça, vous le saviez. Ouais. La route est longue et je les vois tous. Encore loin. Toujours intemporel. On fera les textes avant. T'as signé Psartex, c'est peut-être même ton testament. Tu tombes, ça les arrange. Relève-toi, ça les démange. On nous salit tous un jour pour ensuite mis au lavage. Sauvage. Mais tu le répètes depuis trop d'années. Au fond, t'es formidable quand tu rechantes Stroma. Et aujourd'hui, pour percer, plus de terrain, plus de risque. Un peu de vis merdique, un compte ou un couteau suisse. Soirée pot de vin pour le coup, faudrait être sur la liste. Esprit hip-hop, mon cul, faut ton spiritualisme. Non, y'a rien de réaliste qui devra payer les charges. Un milieu de requins avec si peu de poissons. Écrire est primordial, un plus dans le baladeur. Je parle de ce que je vois, désolé d'être observateur. Un délibile et le marqueur, un sarrasin visiteur qui passe un grand salam à toi qui a de la rancœur. Un petit fond de maracas sous une prod orientale. J'en place une à Ella, c'est le skateboard à Lucas. En sport, on bat de la classe, y'a rien de bon soudain. Je tire mon chapeau à Give Me Five, Arsène Lupin. Demi-portion. Dédicace à toute la Belgique, à toute la France. Yeah. De ce que je vois sur terre. Planète Rap, la nocturne. Quand on veut très fort protéger ceux qu'on aime, on trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas. Chevalier du Zodiac. Ta vie aujourd'hui je rappe, tête de neige je dérape. Prêt à protéger mon armure, un chevalier du Zodiac. On va se donner jusqu'au max, jusqu'au max. Vas-y laisse place à l'espèce, hein. D'accord, interview sur interview. Non laissez-moi tranquille, ils ont senti le truc, hein. Depuis le titre on m'a dit, demi-portion, explique-nous d'où sortent toutes ces paroles. Pas trop vouloir battre le fer, on a tué le tétanos. Stop, dis-moi, est-ce que t'es fier, est-ce que les gens sont cool? Dis-moi Rachid, comment tu fais, explique-moi ton parcours. J'ai commencé mes premières lignes de ma ville de 7. Je dépasse pas la 10ème ligue, voira-t-il qui m'aide? Et Timothée m'a rendu MC 15 ans plus tard. Non merci, pas de Bercy, parlez-moi des petites salles. Si je te causais du public, grâce à eux j'en suis là. Chez moi y'a pas de mode, pas de ça, si je ressors mes fils là. Depuis l'époque d'ONPP et de nos premiers volumes, à tous les MC que j'ai connus qui font que ça évolue. Et si je te croise dans la rue, je t'oublierai jamais mon pote. On reste les mêmes, pas de problème, c'est ce qui me donne la force. Ta vie aujourd'hui je rappe, tête de neige je dérape. Prêt protéger mon armure, un chevalier du Zodiac. On va se donner jusqu'au match, jusqu'au max. Vas-y laisse place à l'espèce, aux guerriers de l'espace. Ta vie aujourd'hui je rappe, peut-être demain je dérape. Prêt à protéger mon armure, un chevalier du Zodiac. On va se donner jusqu'au match, jusqu'au max. Vas-y laisse place à l'espèce, aux guerriers de l'espace. Beaucoup diront c'est du plaisir, mais t'as pas vu le chemin. Obligé de cacher mes peines et de faire le mec serein. Dieu merci, je manque de rien, aujourd'hui artiste. À peine 16 ans, je me retrouve à refuser les maisons disques. À cette heure-ci, je regrette pas ni les meilleurs moments. Si je continue de cette là où m'emporte le vent, on fait rien n'importe comment, regarde la chance qu'on a. Je préfère l'entraînement, je veux pas de championnat. Interview, mais sur le vif, je trouve jamais les mots. Si je te racontais ma vie, ça dépasserait le morceau. Des soirées sous boisson et des souvenirs agaçants. On veut montrer la bonne image malgré qu'elle soit transparente. Si nos projets tombent à l'eau, est-ce ramasser du liquide? Pour avoir au moins un but, faut former la bonne équipe. T'as vu aujourd'hui, je rappe, dès demain, je dérape. Protéger mon armure, un chevalier du Zodiac. Ta vie aujourd'hui je rappe, tête de neige je dérape. Prêt protéger mon armure, un chevalier du Zodiac. On va se donner jusqu'au max, jusqu'au max. Vas-y laisse place à l'espèce, aux guerriers de l'espace. Ta vie aujourd'hui je rappe, tête de neige je dérape. Prêt protéger mon armure, un chevalier du Zodiac. On va se donner jusqu'au max, jusqu'au max. Vas-y laisse place à l'espèce, aux guerriers de l'espace. 19 ans que j'ai crié, j'ai gagné, j'ai perdu. Si ma musique est triste, j'ai le sourire entendu. Je remercie la culture et de ce qu'elle m'a donné. Pareil que j'ai une plume, ok, donc laissez-moi décorer, décorer. T'as vu aujourd'hui je rappe, tête de main je dérape. Prêt, tête de main je dérape. Prêt, guerrier de l'espace, guerrier de l'espace. L'espace, l'espace, l'espace. Jusqu'au max, jusqu'au max. Maître de Shanghai, bébé. J'suis arrivé au terminus. Protéger mon armure, jusqu'au max. Je suis arrivé au terminus. Protéger mon armure. La nocturne avec Monsieur Demi Portion au contrôle sur Skyrock. Ouais, toujours là. Avec Dragon Rush qui est dans les bacs et qui est digitalement dans les bacs. Hein. On peut le commander par exemple tout de suite, 1h14, on peut y aller, on peut cliquer. Hein. Carrément, tu peux cliquer, prendre l'album. Et je tiens à passer une dédicace. Un joyeux anniversaire à Chloé. J'ai vu des messages. Et bah, bon, voilà. Bon anniversaire Chloé. Balancez hein, les messages. 41759, allez-y, ou alors le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Les messages, avec plaisir, on les lit, et ça tue. Franchement, merci en tout cas pour l'accueil, Fred. Attends, cool. Toujours un grand plaisir de te recevoir. Ouais, merci. Demi-portion sur Skyrock, on part pour une session de 3 morceaux. Et allez, après, on finira avec un live, non? Allez, ça tue. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Allez, une session de 3 morceaux et le live juste après, c'est parti. Yes, aïe. Laisse jamais tomber. Ouais, j'ai pas l'affaire. Les années passent, mais bon, on tient le coup. Tranquille. Encore le réveil qui sonne, la même routine 10 ans. Papa, maman, l'usine, charbonne, voire maintenant plus de 10 ans. Le même patron bizarre, le même whisky fait maison. Les mêmes travailleurs qui attendent une augmentation. Les mêmes locaux pourraves, les mêmes conversations. T'as vu le match d'hier, bof, y'a pas eu trop d'action. La même secrétaire bidon qui passe son temps à fumer, qui te parle en fin de journée comme si elle venait de se lever. Les mêmes machines à café, sans te parler de leur goût. T'en bois un, t'en es sûr, tu tiens la chaîne jusqu'au cou. Les mêmes qui ralentit tout, mais bon, t'as rien de rapide. Mais bon, t'as rien de rapide, ce que raconte l'intérim. Aujourd'hui, je rime, c'est loin d'être une fin en soi. Comme lire entre mes lignes, y'a un autre texte à chaque fois. Au fond, on a tous un cœur, mais reste à voir s'il bat. Quand la vie est un ring et que les coups deviennent si bas. On fait les choses, c'est pas grave, non, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber, jamais ne laisse tomber. Au fond, tu t'en sortiras, le sang nous a rassemblés. Et si t'as pas de plan B, du coup, y'a tout l'alphabet. On fait les choses, c'est pas grave, non, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber, jamais ne laisse tomber. Au fond, tu t'en sortiras, le sang nous a rassemblés. Et si t'as pas de plan B, ouais, du coup, y'a tout l'alphabet. On n'a pas eu ce qu'il fallait, donc j'ai eu l'envie d'aller voir. À force de plus calculer, on s'est trop laissé d'écart. Tous emportés par le rire, ignorer les vraies occasions. On perd tous des calories, apporter le mal à la base. On fait du sport sans se nourrir, on fume plus que la farge. On perd la soif de vivre, je te parle pas de ce qu'on avale. Les mains sales automatiques, comme une vieille arme dans la malle. Du côté maléfique, non, je veux celui de l'imam. Non, j'ai pas mais dans les bacs, ni non plus du tribunal. De tous ces faux amis, comme ta pensée amicale. Non, y'a pas de rime illégale, mais le temps veut qu'on se magne. Mais il n'est jamais trop tard, mais notre vécu en témoigne. On fait les choses, c'est pas grave, non, ne laisse pas tomber. Non, ne laisse pas tomber, jamais ne laisse tomber. Au fond, tu t'en sortiras, le sang nous a rassemblés. Et si t'as pas de plan B, du coup y'a tout l'alphabet. On fait les choses, c'est pas grave, non, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber, jamais ne laisse tomber. Au fond, tu t'en sortiras, le sang nous a rassemblés. Et si t'as pas de plan B, du coup y'a tout l'alphabet. Il faut s'attendre à tout, avancer, j'ai pas le choix. Trouver l'inspi, c'est pas simple, tant qu'elle arrive le soir. Le rap m'est tombé comme ça, entre breaker et un graphe. Entre Mos Def, Mob Deep, loin de la vie de rockstar. Sortie des rimes, c'est possible, former un crew, mais aussi. J'te parle de 1996, encore loin des soucis. Des signatures trop faussées, de gros talents dans le fossé. Y'en a combien qu'on forçait, le temps les a effacés. Facile, viens faire un tour dans le rap français. La plupart sont des menteurs, trafiquants de mauvaises pensées. Le passé nous apaise, des rêves, on aura besoin. On n'oubliera jamais personne, comme le groupe d'assassins. Aux potes sourds qui m'entendent, c'est sûrement la force des mots. Pour mes couilles, j'avance tranquille, blessé dans mon ego. Métro, photo de pub, il fallait bien que je m'occupe. Poste de chez moi, cool, j'ai trouvé mieux qu'un studio. J'ai trouvé mes 15 titres, je vais sortir l'album. Dragon Rage, cousin, fallait bien que ça colle. Je cause, compose, même pose à chaque prose. Chaque prise, chaque note me ramène en osmose. Non-stop, on se tire, le temps de lever les stores. On gagne, on perd, vu qu'on s'en fout du score. On store, on boxe, un peu comme du sport. On pose, s'impose, ce que le talent rapporte. On fait les choses, c'est pas grave, non, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber, jamais ne laisse tomber. Au fond, tu t'en sortiras, le sang nous a rassemblés. Et si t'as pas de plan B, du coup, y'a tout l'alphabet. On fait les choses, c'est pas grave, non, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber, jamais ne laisse tomber. Au fond, tu t'en sortiras, le sang nous a rassemblés. Et si t'as pas de plan B, du coup, y'a tout l'alphabet. Demi-portion. Besoin d'aide. Tout s'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Vous croyez que j'embellis le monde ? Perdu. Je le bousille. Tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi. Ouais. Surtout moi. Je vous en prie, écoutez-moi encore aujourd'hui. Je n'ai plus rien du tout, j'ai plus de famille ni d'abri. J'ai tout perdu dans mon parcours. Un père cool, une mère calme, une petite sœur que j'aimais tant. Une sale histoire qui me fait mal et j'ai même plus de pays en même temps. Tu es moi, je crève quand je trouve plus de force à continuer. Je n'arrive plus à vivre dans le noir, même si la lumière est allumée. Être dehors, vivre enrhumé, le froid n'efface plus ce que je vois. Pourquoi en plaindre, on m'entend pas, personne vivra juste une fois. Une femme, un amour, à cette période tu me dis que j'abuse. Dis-moi pourquoi ça tombe sur moi, est-ce que sur mon front y a écrit je m'accuse. Non, vas-y, j'arrête là, je vais trop loin, je m'en excuse. J'ai besoin d'aide, écoutez-moi, je compterai sur vous. Si on m'expulse, on ne peut pas changer le temps, ni la direction des tanks. On ne peut ni changer le plan, qui va presser sur la détente. Oh, qui va presser sur la détente. Personne, car on ne peut pas changer le temps, ni la direction des tanks. On ne peut ni changer le plan, qui va presser sur la détente. Oh, oh, qui va presser sur la détente. Écoute, Salam alaikum, j'ai 9 ans, je m'appelle Mounir, palestinien. J'ai plus de famille, ni d'abri, j'ai toujours peur de celui qui vient. J'ai pas d'école, pas d'amis, non, j'ai passé l'âge. Je connais aucun dessin animé, chez moi j'entends que les bruits de calage. Je contrôle les larmes et les barrages, on fouille mon sac dans les checkpoints. Pourtant j'ai jamais eu de goûter, ah si, j'ai juste les gouttes qui tombent. Je veux la paix, écoutez-moi tout simplement. D'accord, tout le monde se conduit n'importe comment. Sans logement, ni nourriture, ouais la télé te cache la totale. Dans ma classe, toutes nos tables ont été prises pour lit d'hôpital. N'ayez pas de frisson quand je vous parle, retenez-moi si vous le pouvez. Disons que quand je me suis approché des barbelés, on ne peut pas changer le temps, ni la direction des tanks. On ne peut ni changer le plan, qui va presser sur la détente. Oh, qui va presser sur la détente. On a tous besoin d'aide, c'est ça. Pour la Palestine, jusqu'en Birmanie. Et tous les peuples qui s'ouvrent en ce moment même. Tous qui sont Big seuls dans toute la France. On a tous besoin d'aide. Big up, l'album est dans les bacs. Vive la musique, vive vous. Merci de soutenir. Merci à ceux qui découvrent en direct sur Skyrock. Oh, Alex, qu'est-ce que t'en penses, un petit freestyle? Fred, on est au pire. Je suis chaud. Toujours chaud. On est parti. Vas-y, avec plaisir. Allez, session freestyle maintenant. C'est parti, Didi Rolex avec mon Kles, mon Otof. Il va prendre le micro. Et voilà, on est emparé quand même. Demi-portion au contrôle de la nocturne sur Skyrock. Pick up. Demi-portion. C'est ça. C'est Rolex. Juste avec un piano. Juste avec un piano. Dans les bacs. Dans les bacs. Juste avec un piano. Merci. 1. Grâce à vous tous, j'ai eu l'envie d'accomplir. Griffonner ma copie. Mais est-ce donc ça nos vies? Non. Y'a pas de rang qui rentre ou trafiquer le pilon. Ma chambre est un kofi obligatoire. Et le soir, ça se transforme en microfogatoire. Bref, j'invente des mots. Et si tu fais gaffe? Et ce plouc sur Facebook fait des fautes d'orthographe. Dis, tu veux du taf? Va faire la pute en te grillant. Quoiqu'une pute se respecte, elle parle bien aux clients. T'as fini de sortir tes vannes? Non, je n'ai pas de concurrent. Des histoires, ma fable, le son, la brute, le truand. L'inspi mon carburant, et sans te parler des poumons. Parano, c'est ça? Non, papote avec tout le monde. Bienvenue à Rashland, amusez-vous bien. Ils appellent Swag, ce que j'appelle Timberland. Grosse rigolade, on m'a dit t'habites à Paname. Non, je suis de 7, dis-moi t'as pas entendu l'alarme. J'en ai fait des titres et des sacrés kilomètres. Défendre tous mes titres et devoir chanter mes textes, c'est ma plus grande réussite. Et c'est tout ce que je sais faire, hein, malgré tous mes défauts et quelques pas de travers. Les mauvais choix qu'on traverse, qui nous poussent à la déprime. Les gens s'esquivent, ils te parlent peu, on le quitte main libre. Dis-nous ce qui te fait rire, dis-nous ce qui te fait vivre. Dis-nous où est le ferry, où est passé le navire. Montre-nous le capitaine, qu'on change de direction. Qu'on change de cap, qu'il fasse une exception. Et qu'il signe une dérogation, qu'on ne prenne pas le même chemin. Non, qu'on se mêle plus les pinceaux, qu'on échange nos dessins. Et c'est simple, et c'est tout ce qu'on veut voir. C'est quoi en direct de Skyrock ce soir? Demi-portion pour Dragon Rush. Yeah, DJ Rolex. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais Brassens, quoi. Obligé. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin. Freestyle. Bonhomme. Yeah. Petit bonhomme. Petit bonhomme. Monotov, petit bonhomme. Mon Kles, petit bonhomme. Un stick, un petit collage, un mic et c'est le décollage. L'anti-pop, un vrai collant, artisan, décollage. Mat, comment maîtrise l'art? Eh, on fait pas semblant. Si le savoir est une arme, pourquoi se munir de balabla? Faut que toi et ton apparence, sous tes carreras. T'es déjà mort dans le film avant qu'on trouve une caméra. Et toi, et qu'est-ce que tu racontes? À part des sales bêtises, la plupart des M6 vont avoir un casier factice. Un boulot de facteur, nettoyeur de fin d'us. Un vieux Porsche, ce n'est pas qu'à Marseille qu'on en retrouve le plus. Y'a même plus de vieux dans le bus, l'état dira qu'on les crame. Non, ça fera la une de l'actu, encore les mêmes qui râlent. Petit bonhomme. Yeah. Petit bonhomme. Toujours. Petit bonhomme. Ensemble. Petit bonhomme. Bonhomme. Molotov, deux freestylers, Molotov, Moncles, ça dit quoi? Freestyle, on continue, on continue, on continue, on continue, ça dit quoi? Tout simplement, c'est bon. Allume ta cam, on va te montrer un freestyle. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est de bonne guerre amicale. Banal, moi je fais du rap, je m'en tape de ton argent. Cours, cours, j'irai de la même allure en marchant. C'est bon, allume ta cam, on va te montrer un freestyle. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est de bonne guerre amicale. Banal, moi je fais du rap, je m'en tape de ton argent. Cours, je cours, j'irai de la même allure en marchant. Ok, première mesure, c'est pour mes gaillards du 34, ça y est. Y'a un micro, tout le monde se chauffe, ça risquera pas de cahier. Supporter de ma ville comme Karim Maïd. Fan, hein. Juin 2012, place de la Comex, c'était Vlal Fire. Ça vient du sud, 34 degrés à l'ombre. Demande pas de cricher à Londres, non par chez nous, mec, y'a un tas de playa. Des talents de quartier comme celui de la Paya. Des blancs, des jaunes, des noirs, tu peux remarquer un métissage royal. On représente même Sali comme Karabatit. C'est du n'importe quoi comme Rémi Gaillard à Palavas, bitch. Joue pas le taré où on te tacle à la Kautari. Oh, on prépare nos arrières juste au cas où t'arrives. Ouvre la route quand on débarque, c'est du 3-4 tout terrain. Tu vois mes types. Dans les clips, parle pas du Gucci Guerlain. Va faire monter les notes comme René Girard. On compte pas tromper les voix comme le faisait Chirac. Tiens, tape un petit passe-passe. Un. Sur la touche, mais vise la surface. L'effet des surprises. Big up pour essayer sur pause. Une vie d'aloca. Cherchez l'occasion. Un peu d'audace à part des bêtises. On a passé l'âge. On s'en fiche. Un jour tout s'efface. Ouais. Oui, c'est rachide de voir ton visage. Oui, c'est facile de parler trop mal. Non, c'est rapide de faire des dommages. Atterris, t'as niqué décollage. Pas de coloriage. Me colle pas de billage. Rien à l'amiable. Mat, c'est que je lâche. Me sers de ma bouche comme une arme. Où je me couche. Toi, tu te caches. Centre de menace. Je t'oublie grave. Oui, je vis ça. Loin des strass. Pourquoi tu stresses? Faut que tu saches. Ne manque pas d'adresse à chaque message. Oui, les mots blessent. Mais qui est hein, des nomos, un couche là, se rentrer dans le moule, ça faut pas. Tout est fragile, y'a tout qui se casse, qui fait la tête et qui s'écrase. Sortie de 7, nom de la classe, pas de compète, j'ai pas le temps pour ça. La grosse tête te gâche la face, et oui, ça m'agace, c'est pas trop ma tasse. Pendant que tu parles, et bousille le taf. Pendant que tu parles, et bousille le taf. Pendant que tu parles, et bousille le taf. Ok, le soir, je traîne tard, je trouve pas le sommeil. Cherche la faille pour faire de l'oseille. La nuit porte conseil, et la nuit m'éclaire. Mais le jour, je vois flou, j'avoue, c'est clair. Ni ma mère, ni ma femme ne comprennent la vie que j'ai. Je veille jusqu'à pas d'heure comme si j'étais un DJ. Le monde n'appartient pas qu'à ceux qui portent des costards, ou à ceux qui se lèvent aussi à ceux qui se couchent tard. J'enchaîne les nuits blanches comme un vampire. Le voisin d'en bas peut pas me sentir. Faut que je m'organise, c'est le bordel dans ma life. Je fume, je bois, je traîne trop la night. Mais y'a pas de drap, tout se paye, tout s'achète. Vu que la mentale des gens pue le rachet. Ce soir on est sur Skyrock pour Dragon Rush. Et c'est comme ça, je m'arrache. Mon secret. Rolex. Freestyle. Yeah. Freestyle. Freestyle. Technique sur iPod, lyrics et méthode. Face fait aux bonnes prod. Avec tout ce qu'on a depuis l'époque, on se donne. Ça dit quoi? C'est George Kingston. Un pur son hip-hop, technique sur hip-hop, lyrics et méthode. Fast ou bonne prod. Avec tout ce qu'on a depuis l'époque on se donne. Sans venir de Boston, 7 c'est Jack Kingston. Rap sans piston, pour que nous existons. Vanter mon fiston, c'est tout ce qu'on vise quand. Le son c'est non-stop, le monde est au top. Et quand le public sort, hip-hop-hop-hop. Et quand Skyrock sort, hip-hop-hop-hop. Et quand Skyrock sort, hip-hop-hop-hop. Et quand Skyrock sort, hip-hop-hop-hop. H. Parce que le H fait aussi partie de nous. Merde, j'ai oublié à la rime. Il faut du cash, y'a même plus de sous. D'accord, vas-y demander à mon Shab Kerim. On est loin de Paris et des grosses industries. On se démarre très vite avec notre propre style. Suis, j'ai les mêmes types et la même équipe. Si, gardez la même mine dans chaque titre. Allitération, un fond, l'intextation millimétrée. Déballer la marie, m'arrive, stop, c'est que le medley. Hip-hop, microscope, l'amour est vu de près. Aux graffeurs et leurs bombes, tout en restant discret. Aimer ou détester, on fera ce qu'on aime, c'est tout. On gardera les mêmes roues, on l'enlèvera que les clous. On fait du rap, hein, big up à vous encore. Si tu sens que ça coule, c'est que nous sommes d'accord. Un pur son hip-hop, technique sur hip-hop, lyrics et méthode, fast B ou one prod. Avec tout ce qu'on a depuis l'époque on se donne. Sans venir de Boston, Panam c'est Jack Kingston. Rap sans piston, pourquoi nous existons? Bon t'es mon fiston, c'est tout ce qu'on vise quand. Le son c'est non-stop, le monde est au top. Et quand le public sort, hip-hop, hop, hop, hop. Et quand le public sort, hip-hop, hop, hop, hop. Et quand le public sort, hip-hop, hop, hop, hop. Et quand le public sort, hip-hop, hop, hop, hop. Et quand le public sort, yeah, yeah, yeah. Ici on en a marre, les femmes et les maris se plaignent. Imagine Ben Laden face à Marine Le Pen. Oh, chez nous c'est trop la zone, ça fait en floraison. Ils préfèrent quand je suis rasé, me suggère un chorizo. Je m'exprime à l'écrit, à l'oral, fais face au rap. Pour être un dissident, j'attendrai face au oral. Hop, fais face au rail, sans cogner des vieux paumés. Ça fait longtemps qu'on nous boycotte comme Dieu donné. Eh, je veux pas l'étonner, non, dis pas que t'as pas vu ça. Des tournements de fond font des parcs à Usac. Y'a pas que la rue qui craque, regarde Jean-Luc de la rue. Eh oui, qui l'aurait cru, y'a pas que les qui tapent. Oh, au volant de ma vie, m'en fout ce que dit Hollande. Ici c'est violent quand on entend ça vire au lol. Pas de boulot, donc c'est rare de voir des scars la taffer. C'est grave la galère, on veut le contre car la gare. Avec son hip-hop, technique sur iPod, lyrique c'est méthode. Face B ou bonne prod. Ouais. Avec tout ce qu'on a depuis l'époque, on se donne sans venir de Boston. Panam, c'est Jack Kingston. Rap sans piston, pourquoi nous existons? Vantez mon piston, c'est tout ce qu'on risque. Le sens est non-stop, le monde est au top. Et quand le public sort, hip-hop, hop, hop, hop. Et quand Skyrock sort, hip-hop, hop, hop, hop. Et quand Skyrock sort, hip-hop, hop, hop, hop. Et quand Skyrock sort, hip-hop, hop, hop, hop. Et quand mon clé sort, hip-hop, hop, hop, hop. Yeah. C'est comme ça que ça se passe. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Vas-y. DJ Rolex, on est toujours Al, Dragon Rush. Hip-hop pour la nocturne. Dragon Rush est dans les bacs, c'est ça. Tous les soirs je tape des lignes, mais pas comme Depardieu vu que les miennes riment entre elles au rythme de par deux. Et je les aime croiser comme les ligaments. Écrire je dis pas non, le stylo c'est mon médicament. Et si j'écris lentement c'est parce que j'ai peur de l'avenir. C'est que je vais tellement loin dans ce que je dis que je mets du temps à revenir. Dans un thème je l'opère, une instru je me défoule. Le rap c'est du poker, si t'as la couleur j'ai le full. J'écoute de la bonne zik, mes oreilles en sont témoins. Les classiques c'est ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. Alors point à la ligne, je repars en mission. Le son m'a laissé un pourboire mais n'a pas payé l'addition de façon. On sent sûr, j'aurais pété un cap. Si demain on dit que j'arrête, tu sauras que c'est un gag. Entre nous c'est love to love, on s'est connus adolescents. C'est mon truc, mon oxygène, je peux pas passer une journée sans le son. On se prend la tête chaque fois pour faire du real hip hop. Et que tu le veuilles ou pas, c'est ça le real hip hop. On aime ça, rien d'étonnant, crie real hip hop. Et je veux que tout le monde crie ce soir real hip hop. On se prend la tête chaque fois pour faire du real hip hop. Et que tu le veuilles ou pas, c'est ça le real hip hop. On aime ça, rien d'étonnant, crie real hip hop. Et je veux que tout le monde crie real hip hop. DJ Rolex, monotone, on freestyle sur Skyrock. Laisse tourner encore l'instru. Yo. Demi débit phénoménal, transformation de l'animal. Laisse deux minutes, polyvalent, poly d'abord, demi galant. Oh le gala, oh les dégâts, écartez les gars, descendez de l'étage et mettez les gants et virez les tasses et mettez du son et ouvrez la cage. T'as tué qui? Personne, je me téléguide, seul garçon. Petit bonhomme, vu le blason, chaque recette est fait maison. Aucune raison, d'accord, un rison et un sandwich. En bas de la fiche, en bas de la force, on fait que du rap et on s'en fiche. Tu veux des rimes, on a ce qu'il faut, un gramme, on a le kilo. On coupe, découpe gros staff, esclave, tout part du bon pilon. J'arrive en balle dans le continent à te faire voler un sous-marin. Pas besoin de poly, juste un son pour voir tout le monde les mêmes. En l'air, on se dépasse pas, reste à terre, reste tranquille, c'est le bordel. Entre parenthèses, un peu de seum, chaque mesure devient mortelle. Vas-y, venez voir et vous verrez. On travaille les jours fériés, chez nous, auteurs, compositeurs, j'attire les fans, Léo Ferré, ok. On se prend la tête chaque fois pour faire du real hip hop. Et que tu le veuilles ou pas, c'est ça le real hip hop. On aime ça, rien d'étonnant, crie real hip hop. Et je veux que tout le monde crie ce soir real hip hop. On se prend la tête chaque fois pour faire real hip hop. Et que tu le veuilles ou pas, c'est ça le real hip hop. On aime ça, rien d'étonnant, crie real hip hop. Et je veux que tout le monde crie ce soir, yes, Didier Rolex. C'était la nocturne avec demi-portion au contrôle. Merci demi-portion. Merci beaucoup. Merci à Moclès qui était là. On salue aussi à ton le collègue. Ouais, Molotov, il est là avec moi. Molotov. Merci à Molotov. Merci à toi. Merci à DJ Rolex qui était au contrôle de cette nocturne. Et on rappelle deux trois trucs, donc Dragon Rush dans les bacs tout de suite. Exact, maintenant on peut y aller. Tout de suite, il est sur iTunes disponible, 19 titres. Et quelques concerts pour toi ou pas, demi-portion? Exactement, on a quelques concerts. Donc on a le 26 février à la Bellevilloise. Et ensuite on a 3 et 4 mars à 7 au théâtre en acoustique. Et après on a plusieurs dates qui vont arriver. Voilà. Allez suivre. Rappelle où on peut te suivre. Sur ma page Facebook, voilà, c'est demi-portion officielle. Et sur Twitter, demi-portion 34. Et voilà, je suis super présent sur les réseaux. Et voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. Et ben merci à vous en tout cas pour cette nocturne avec vous. Ben merci en tout cas. Merci d'être passé la nocturne. Moclès était là, demi-portion, DJ Rolex. Merci Molotov était là aussi. Merci à tous les auditeurs. Et voilà, big up, ça fait plaisir. L'album est dans les bacs, n'hésitez pas à l'acheter. Dragon Rush. C'est, voilà, de soutenir. C'est indépendant. Big up à la Scred. Ça sort comme ça. À

Planète Rap. 100% rap français. Je sors de ma bulle, je crois que c'est l'heure. Tout va bien, alhamdoulilah. Certains m'ont déçu, d'autres m'ont blessé. Mais je vais bien, alhamdoulilah. Je pousse au soleil, comme une fleur de lilas. J'ai perdu des proches, donc un alili. Tapé sous le coussin, car moi je vais m'en tirer. Si toi t'hésites, pas moi je tirerai. Maintenant c'est fini, faut qu'on en finisse. On a fait du mal de ces 15 jours, poteau, on sera puni. Le mal nous guette, pourquoi tu respectes? On veut trop poser pépère, avec le poids sans pis de pépère. Je suis pas un ange, mais tu kiffes mon sourire d'enfer. Tu n'es pas une despe, maman chérie, ton cœur, je veux le faire quoi. Moi je fais bien, moi je fais bien. Moi je fais bien, moi je fais bien. On se tue pour des pétasses, on meurt pour des pesos. Je suis seul à bord de mon vaisseau, c'est tout à fait normal que je sois en pétard. Moi je fais bien, moi je fais bien. Moi je fais bien, moi je fais bien. D'autres nous trahissent, par la suite deviennent des païens. Des corps d'enfants cachés dans la païen. Voilà pourquoi dans ma tête c'est la pagaille. Pas camarade, pas gay. Paradis où il fait l'eau. C'est ça qui m'a renfêlé. Tu veux me faire du mal, ça dit fêlé. Je vais bien, il attend que je pourrisse. Je vais bien, il attend que je périsse. Je vais bien, je veux prendre des risques. Je vais bien, pour ma peur je les prise. A chaque fois je rebondis. Fini l'époque et des bandits. Papa, maman, grande sœur, allez leur dire que j'ai grandi. La haine, ça j'ai connu. La misère, ça j'ai connu. Les frères au hub, ça j'ai connu. La misère, ça j'ai connu. Je sors de ma bulle, j'crois que c'est l'heure. Tout va bien, alhamdoulilah. Certains m'ont déçu, d'autres m'ont blessé. Mais j'fais bien, alhamdoulilah. Moi j'fais bien, moi j'fais bien. Moi j'fais bien, moi j'fais bien. Moi j'fais bien. Que Black dans la nocturne 100% rap français. Nouveau son de Sadek qui se prépare aussi. La nocturne, c'est le vendredi soir. Planète Rap. 100% rap français. C'est la nocturne avec le nouveau Sadek qui s'appelle C'est clair maintenant. Pas cher, pas cher. 2000 euros sur une petite paire. Carré au flop, j'connais bien la croupière. Tous mes riris savent comment faire. Comment faire. Ils courent dans tous les sens, ils ont le sens des affaires. Des affaires. T'es pas notre grand, t'es pas mon père. Pas mon père. On verra qui est qui le jour où ça dégénère. À part Johnny, rien de légendaire. Il nique les Illuminati et la grand-mère à Lucifer. C'est clair, tu sors, tu j'tars, t'embrasses ta mère. C'est clair, pour les préserver, ils sont rien dit à tes petits frères. Ah ouais, c'est clair. Veulent-ils vraiment que tu te réinsères? Avec leurs yeux, ça a l'air de manutention. se mère. C'est clair. Tu montes une puce, fuis la galère. C'est clair. Le solitaire, il ramasse toutes les chaînes de guerre. Les condés ne savent plus comment faire. Fort Monde et autres et loin derrière GSXR. Ouais, on perd. Hey, sors à droite, apporte au père. Accélère, tu peux faire. Si tu te fais prendre, tu vas prendre cher. Ah ouais, c'est clair. Sur terre-terre, les hommes font l'air, les hommes se perdent, les armes de guerre font fond de la chair, ah ouais c'est clair. L'enfer, tout monte en l'air. Petit frère monte à la guerre, ça chauffe sur le terre-terre. Ça belle, on les monte en l'air. Été, hiver, hep, ça rentre solitaire. Moi je te dis, on a plus l'âge, grand petit. Si on s'aime pas, on se réclame pas, ou ça se finit, on a fini. On a fini et on usit, la routine est violente. Je vais leur mettre la pression comme Ganda, on cherche la télé. Ah ouais, c'est clair. I, I en R, c'est clair. Numéro 1 sur le terrain. Ah ça c'est clair. Tu t'es fait regarder faire. C'est clair. Faut tailler, rafaler leur mère. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. I, I en R, c'est clair. C'est clair. Rien n'est plié, rien n'a été fait. Je suis comme les tours jumelles, personne n'était prêt. La vie n'est pas un film, j'encule leur mise en scène. Je vous prends en Doggy Style, je me suis mis en scène. Ils sont à terre, j'ai des gouttes de sang sur le poing. Tour de la terre, tes frais, tu te sens plus sur le rond-point. Tout ton smic pour un couplet, ouais, ramène la fraîche. J'manque pas de toupet, que le rap français garde la pêche. On te baisse, on t'arrache ta chaîne. On baise, on relâche ta chaîne. J'veux elle, celle-là et la selle. Crime pêche, réponds à l'appel. La place du pas, le parc est bisé. Sur nous, il fallait miser. J'les allume juste pour les guider. On sort les obus et les guider. Flow au-delà de l'imaginaire. J'viens sur place, je crache, digère. Ouais, maintenant que tu l'as, j'y reste. J'ai une tasse sur le Durex. Ouais, depuis que je suis là, c'est moins simple. Retard ton album, mais l'heure des 20. J'suis Corvette, t'as le flow 405. En levrette, t'es chauffé, tape mon sang. Y'a quoi? J'ai rêvé de villa, de lingots d'or dans la valise. Leur satellite qui m'analyse. Cope à leur mix, j'veux du réalisme. Mate-moi. J'vendais ma dope pour que la police. La concurrence dans l'alcoolisme. Tu seras jamais mon acolyte. Barre-toi. Tu verras pas mes salaires ou bien couper mes teams. Négro, tu pues la merde, peux pas plier l'équipe. Mes ex me veulent la digue, je baise et je quitte. Rafale dans vos niaises, comme ça on est quitte. Le meilleur est à, le reste c'est de la merde. Sombre récital qui fait mouiller ta mère. J'ai des billets à faire, donc on va vite ken. C'est moi qui donne l'heure, appelle-moi Big Ben. C'est moi qui donne l'heure, appelle-moi Big Ben. C'est moi qui donne l'heure, appelle-moi Big Ben. Champagne dans le verre, toute la tête, le gang dans les airs. Fais nous voir ton derrière, je vais t'attraper et j'insulte leur mère. Ça c'est X, je leur mets du sale sur la poudre de nos containers. Vite, tu t'habites, je pompe mon dard. Pas le temps pour qu'elle pompe mon air. fait tous les billets. Juste après, je pourrais toutes les ken armées amener à les voir et les plier. Que tous crèvent ou que tous s'éteignent. Mais mes démons me chuchotent que la vie est une pute, que le switch va prendre les rênes. Moi, je démon, je pivote pendant que tu joues fut, que tu pompes mes thèmes. Que tu pompes mes thèmes. Fait de mort sur le drapeau noir, chapeau de paille sur le crâne du skull. Elle m'aime pas, mais veut qu'elle pour voir la taille de ma bite sur une plage du sud. Sur une plage du sud. Pour le pas, je suis un leader, je suis le meilleur frappeur de ce pays. Je mets ma tête dans un chat pour voir s'il y a assez de place pour mon pénis. Mon flow est sur écoute, trop d'avance pour le rap français. L'industrie, une pute qui me dégoûte parce qu'elle avale ce que j'ai craché. Faire d'oseille est un devoir, être fauché, c'est le choix de ses nègres. Le monde, il est vaste voyage pour voir que c'est mieux d'être riche plutôt qu'être célèbre. À toute heure, vous êtes assez pain sur planche, et la vérité. En l'honneur de mes ancêtres, je baisse des planches pour indemnité. Reste calme, j'ai les voix qui se branlent, ils ont ce qu'ils ont mérité. Tu sais que ta femme, ce serait bien Chris Brown, c'est relatif à fidélité. On souhaite que tu donnes ta chatte, après on se reverra plus. C'est moi qui donne l'heure, la date et même la température. Moi c'est K-E-R-J au cœur, Curtis Cobain. Une chose est sûre, c'est que tout son saigne. A T-E-L, mande mouille qu'on se baigne. Banlieue ouest. C'est moi qui donne l'heure, appelle-moi Big Ben. C'est moi qui donne l'air, appelle-moi Big Ben. C'est moi qui donne l'air, appelle-moi Big Ben. Big Ben. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Avec 2-3 mecs de Vitry, Villejuif, Champigny, Châtenay, Malambry, Paris, Bobigny. La tête pleine de soucis, j'ai pas maigri. Les soi-disant frérots ne m'ont pas écrit. Profond, dis-leur de s'enfoncer leur chicha. Quand le succès les fumera, ça me fera ni chaud ni froid. J'enferme et pas quoi, faut les CNN. J'écris sur ma feuille de refus des mecs. À part mes pieds points, rien à sur ma sécu. Un jour c'est la haisse, un autre mille est sur mon pécule. J'assume à peine la bouche. Cousu à moins de 5 mois, l'arso m'a dit t'as tout vu. Alhamdoulilah en toutes circonstances. J'ai la mort de personne sur la conscience. Extrait, Créteil, court appel, Paname. J'entends des sentences de bâtard, bro c'est banal. Je dis la vérité comme ton ADN. Vis nos putains de vie, tu vas croire que c'est pas réel. Le baveux encaisse des milliers d'essence. Pas le gel dès qu'il décide, c'est le tout puissant. Je marche qu'avec des gens qui me ressemblent. Relève des coups durs, pas de ceux qui s'étranglent. Patience, courage et acharnement. Notre armure, on veut rouler en fantôme. Plus on va au palu. Indomptable sans être camère. Intouchable comme dans les bras de ma mère. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en donner le goût. Ah. Indomptable sans être jamais. Intouchable comme dans les bras de ma mère. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en donner le goût amer. Ah, entre les bonhommes et les pédales, les boucards qui disent au chef où tu caches ton pénard. On se fait têche de la viande au sport. Coupure de courant pendant 2 heures avant le temps. Baisse de morale à chaque motif. Mauvaise nouvelle à chaque notif. Tes gosses poussent comme ta barbe et tes tifs. On s'imagine loin des barreaux avec un gros pif. Tu prends des risques débiles gros. 20 fois tu passes au prétoire pour des bigots. La preuve qu'on n'est pas tous égaux. Certains écartent et font tomber leur bout de pédo. Ailleurs ils jouent à chat tellement les promenades sont immenses. Et s'il y a pas de chat, que des rats qui dansent. On n'est pas à Guantanamo, c'est un fait. Mais on lance l'avant claquette tellement c'est un fait. Indomptable sans être camère. Intouchable comme dans les bras de ma mère. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en donner le goût. Indomptable sans être camère. Intouchable comme dans les bras de ma mère. J'accepte les épreuves, y'a pas de galère. Il en faut bien plus pour m'en donner le goût amer. Croisant les cicatrices sur mes bras, charclé par les punaises, taché de sang sur mes draps. C'est pas en 3 touches par semaine. Tu veux la médicale, mets ta quenelle. Esquive le mita, le gratter sous Ricard. Les jours à intervention au moins de Ricard.

tu as peu, tu veux meurs, ne pleure pas ma sœur, car tu portes le monde. Noble est ton cœur, prends-toi et remonte. N'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre-mère est malade, mais terre-mère résiste. Homme s'est construit son monde, apprenti créateur qui a tout déréglé, sanguinaire, prédateur. Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion. Maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs, conditionnement massif, là où les nerfs sont à vivre. Dans la marche et la rage, bastion des galériens. Ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien. Prends conscience mon frère, reste près de ton cœur. Méfie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous saute tous au bras. Humanité humaine, seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix. La lumière s'y trouve, la lumière est rentrée. Vérité en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération à pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Alors levons nos voix pour ne plus oublier. Bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller? Tous frères et sœurs, reformons la chaîne. Car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair. Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. S'essouffle ce temps, une odeur de souffre. La faim se ressent, la bête envoûte la foule. Les symboles s'inversent, se confondent les obsèques. L'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur. Folie, calomnie, le cœur à la bonheur. Ignorance du bonheur, de la magie de la vie. Choqué par l'horreur, formé à la survie. L'époque, le pire, une part des conséquences. Le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp. L'être humain s'est perdu, trop centré sur la voie. Les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie. Quadrillage ficelé, mais passe la lumière. Et confiance en la vie, en la force de tes rêves. Pousse un ange à l'épaule, présent si tu le cherches. Quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste. Le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes? La mort n'existe pas, c'est juste la fin des cycles. Cette fin se dessine, l'humain se décime. Espoir indigo, les pléiades nous désignent. Lève ta tête et comprends, ressens la force entre l'être. Dépasse Babylone et lucide le mystère. Rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse. Enfant du quinto sol, comprends entre les lignes. Comprends entre les lignes. Enfant du quinto sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les pléiades nous désignent. Comprends entre les lignes. La vie est grande, le cœur. Désobéissance, la vérité est en nous. Car la solution est en nous. La solution est en nous. Parce que la vie est en nous. C'est fini pour la nocturne 100% rap français, 2h03 du mat, 14 février, joyeuse Saint-Valentin, à ceux qui ont la chance d'être en couple, sinon les autres, bah voilà, hein, ça va arriver. C'est ce qu'on vous souhaite cette année, en tout cas merci à vous tous d'avoir veillé tard pour la nocturne, ceux qui sont en vacances, la nocturne est finie, 100% rap français, avec le son de Kenny Arcana, prochaine nocturne dans une semaine, et puis attention, dès lundi, Gradure débarque avec son album L'Homme au Bob à découvrir 20h-21h sur Skyrock, fabuleux. Yep. On est là. C'est parti, rap, R&B non-stop, ciao. Skyrock, yeah. Skyrock, premier sur le rap.